Excusez-moi. J'ai même pas préparé mon doc. Tonaille Jack. Ah. Ah, t'as vraiment tu switch. Ça va? Bah écoute, ça va pas mal. Je suis hyper content de te retrouver pour une nouvelle capsule. Je me bouge de ma chaise. Moi aussi. Et ben là, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant parce qu'il y a quelque chose, vraiment. Tu sais, on se rend pas toujours compte de pourquoi je choisis les groupes. Tu vois, par exemple, Bring Me the Horizon, dans la dernière capsule, je l'ai choisi parce que je n'aimais pas et que je voulais pas pour autant, toi, t'empêcher de découvrir peut-être le groupe ou de passer à côté d'un gros groupe. Et là, ce groupe dont on va parler aujourd'hui, enfin, oui, aujourd'hui, c'est autre chose encore. C'est quelque chose de... Ah, rien à voir. Non, mais c'est même de la manière... Pourquoi je l'ai choisi, je veux dire. Ah, d'accord, rien à voir. Donc, c'est pas du tout la même démarche non plus. Non, c'est un groupe qui passera sur la vallée, qui passera le samedi, qui est déjà venu une fois en 2018, et qui jouera, où est-ce que j'ai mis ça là, qui jouera le samedi, j'ai dit, ils joueront en troisième, donc fin de matinée, début d'après-midi. Okay. Voilà, ça c'est pour le truc, on va dire. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu t'en parler? Parce qu'en fait, ce groupe-là, je l'ai vu en live il n'y a pas très longtemps. On l'a vu en live il y a pas très longtemps avec le reste de la team. Ok. Et on a fait un report sur ce concert. Et j'étais en fait un peu, d'une certaine manière, celui qui était peut-être le moins emballé des trois. D'accord. Mais c'est un peu pour ça que je voulais justement en parler avec toi. Tu vois, moi je pars du principe que le choix de ces capsules, l'idée de ces capsules, c'est justement pas que d'aller dans le sens des trucs que je pourrais aimer ou pas. Ouais, mais bien sûr. Tu vois, ça c'est important pour moi d'aller justement te repousser un peu dans tes retranchements. Parce que autant Bring Me the Horizon c'était une forme de musique, autant là... On est sur autre chose. Oh oui, complètement. Donc, mais avant vraiment de commencer à en parler, est-ce que ce serait pas le moment que tu nous fasses un petit générique? Ok, c'est parti. Let's go. C'est le moment. De quoi? De quoi? Du générique. Générique. Générique. C'est le générique. C'est le générique. C'est le générique. Générique. On est totalement dans le thème en plus. Donc le groupe dont on va parler, c'est un groupe qui a eu un petit peu d'évolution au sein de lui-même, sauf sur un point, c'est, enfin, il y a eu une évolution, mais qui a quand même gardé une certaine ligne directrice dans sa musicalité. Ah oui, ça on est d'accord. Ça, on est d'accord. C'est clair. Avec une certaine, comment dire, je dirais, on partirait plus d'un principe de non-concession à aucun niveau, et que c'est pas forcément la route la plus facile pour essayer de se faire connaître que de prendre ce chemin-là. C'est clair. Hein, c'est clair. J'ai vraiment hâte, alors pas pour tout de suite, mais j'ai hâte d'avoir toi ton premier ressenti quand t'as découvert le groupe, parce que c'est un groupe que tu connaissais ou pas? Pas du tout. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Donc ça me fait vraiment plaisir. Du coup, est-ce que tu peux nous dire de quel groupe on va parler? Alors, je pense qu'on va parler de Fange. On va tout de suite parler de Fange. Donc, comme je te le disais, moi, c'est un groupe que j'ai vu en live il n'y a pas très longtemps, mais que j'écoutais pas beaucoup sur l'album, que je connais pas très bien, en tout cas, quand j'ai été le voir. Donc, forcément, j'ai eu un peu le même effet que toi, mais d'une autre façon. Ouais. Donc, pour commencer, Fange est un groupe de sludge noise français. Eh oui. Qui s'est formé en fin 2013 du côté de Rennes. À la base, ils se sont formés sous la forme d'un trio. C'était un trio avec un ancien du groupe Wata et un ancien du groupe Calvaire, avec un chanteur, un guitariste et un batteur. Ça, c'était la formation de base. Okay. Et dès 2014, ils ont sorti un premier album. Ah, je vais pas l'avoir noté là. Poisse. Ah. Ça, c'était un premier album. Ah, c'était un premier album. Parce Poisse. Que. Ah, moi, je pensais que c'était. Un EP Ouais, peut-être. Ah, c'est peut-être l'un ou l'autre. Parce que moi, j'ai là l'appelé Poisse. Et le deuxième, c'est Purge. Moi, j'ai. Okay, okay, okay. Et c'est eux qui l'ont dit. Donc, je pense que je peux leur faire. Ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Et pour revenir un petit peu sur le style, parce que forcément, on se dit qu'avec un nom comme Poisse, ça va pas être très joyeux. Et ben en fait, le style, j'ai lu quelque part et j'ai trouvé ça marrant que c'est un style de sludge, d'indus, de dark, de saturation core, de style fange, de style black, de style doom, de style malsain, de style death, de style noisy, de style war, de style street, de have, name, sludge core, noise. Wow, les mecs ont mis plein de noms un peu en aléatoire. Style fange, j'aime bien. Et en fait, moi, de ce que j'ai lu, c'est que surtout, en fait, le groupe à la base était un peu plus death dans l'idée. Ils partaient sur une base un peu death vraiment prendre la direction de sludge, noise, et vraiment d'arriver aujourd'hui à un style fange qui est reconnaissable de par ce qu'ils proposent, quoi. Ouais. Autant vous dire qu'avec Fange, bah, c'est pas forcément, comment dire, il n'y a pas le côté populaire de Bring Me The Horizon, dans le sens où on va pas être sur un style qui est joyeux. Ils vont tester des trucs, mais ce que je veux dire, je suis pas sûr qu'on soit dans leur recherche de popularité. Alors ce qui est très marrant, je fais une toute petite aparté parce que ça, j'ai lu ça les concernant, c'est qu'en fait, contrairement à d'autres groupes, parce que justement c'est un journaliste qui leur fait remarquer ça, eux, on dirait que dans leur recherche, ils sont tout le temps en train de chercher des labels plus gros. Et en général, plus tu prends un label plus gros, moins t'as de liberté. Et le journaliste leur fait justement remarquer ça. C'est bizarre, vous, à chaque album, vous allez dans un truc plus gros. Et en général, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai quand même des fois. On voit des groupes qui évoluent, qui ont accès à des gros labels, et qui gardent leur liberté quand même. Ouais, mais peut-être avec des gros groupes, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est que là, on est, on va dire, plus sur un plus petit groupe. Si on fait la comparaison avec Bring Me The Horizon, parce qu'on en a parlé dans la dernière capsule. Ouais. Le journaliste leur faisait justement remarquer que les groupes avaient tendance avec le temps à devenir de plus en plus indépendants et s'autogérer eux-mêmes pour garder une certaine forme de liberté. Et il y a un des membres du groupe qui répond qu'aujourd'hui, ils sont déjà plus ou moins en auto-alimentés, j'allais dire comme ça, et que donc ils sont limités par ça, parce que du coup, ça veut dire que tout ce qu'ils font, ils doivent le faire eux-mêmes, et que c'est un coup de temps, et donc eux, s'ils peuvent trouver un peu. S'ils pouvaient se libérer du temps. Voilà, enfin, de trucs, et qu'ils peuvent trouver un arrangement, mais effectivement, ils sont pas du tout prêts à vendre ce qu'ils font, on va dire, et à le transformer. Okay. Faut que ça reste du fange. Donc, je t'ai dit que ce qui était intéressant, c'est qu'au début, c'est commencé par un trio chanteur, guitariste, batteur, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un quatuor, composé d'un guitariste, d'un chanteur, d'un bassiste et d'un autre guitariste. D'accord, ok. Il n'y a plus de batteur. C'est une boîte à rythme. C'est une boîte à rythme. Okay. Maintenant, c'est une boîte à rythme. Okay, ouais. Bon. Alors, je crois que c'est arrivé après le troisième album, la boîte à rythme. Et ils ont quand même, ils étaient que trois quand même. Et il y a un quatrième guitariste qui est arrivé un peu plus tard. D'accord. Au début, ils étaient trois, mais avec un batteur. Oui, c'est okay, ça. Au début, justement, voilà, c'était ça. C'est pas le moment Domino's. J'ai pas besoin de prendre une pizza. Le fait d'être passé à la boîte à rythme a malgré tout influencé leur musique d'une certaine manière, dans le sens que c'est venu rajouter plus d'influence noise et industrielle, et qu'on peut remarquer ça sur les albums Pudeur, Poigne et Pantocrator, tous les trois albums qui sont sortis pendant la pandémie. Ok. Donc c'est comme ça que c'est marqué, quoi. Ça revient là-dessus en disant que, tu vois, au début, que ce soit avec Purge ou Punir, on en revient sur vraiment un death assez, assez violent qui est de moins en moins mis en avant par le reste. D'accord. Et ils sont passés à un deuxième guitariste pour avoir justement plus de couches et de nappes de guitare et de motifs différents, en fait. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de trucs qu'ils voulaient faire, et plutôt que de pas les faire en live ou d'être limité, et ben maintenant ils ont deux guitaristes pour justement jouer tous ces motifs rajouter un peu plus de construction à leur musique, qui est très j'ai envie de te dire profonde, brutale, poisseuse, cradingue. cradingue. Et en parlant de ça, as-tu remarqué quelque chose avec les albums? Il y a les thèmes, ouais, et tous les titres qui sont aussi propres à chaque thème. Eh ben, en matière de titre, effectivement, chaque album commence par la lettre P. Oui, ça, c'est vrai, j'avais remarqué. Alors, c'était pas volontaire. D'accord, je me suis demandé, mais. Non, au début. Au début. Puis après, c'est resté, donc c'est devenu un truc. C'est un réflexe comme ça. Maintenant. Oh, voilà. T'as vu? Voilà, c'est rigolo. Okay. Et aussi, accessoirement, il y a jamais de style qui se rapproche du black metal. Eux, ils le disent. On peut aller dans plein de styles, mais il y a un truc qu'ils arrivent jamais. Ils vont jamais dans le black metal. Ils veulent pas en inclure. En fait, ils disent qu'ils veulent pas inclure de discours propre au black metal dans ce qu'ils font. Et donc, je te disais que le fait d'avoir une boîte à rythme, ça a un peu ralenti leur musique. Ce qui faisait un peu, du coup, moins death. Et c'est ce qui leur a permis de faire une musique beaucoup aussi plus lourde, plus lente, et qui vient justement rajouter un truc pesant Et ça, qui est encore plus accentué par le chant, qui est vraiment hurlé, crié, mais mm-hmm. Qui est pas du tout délicat. D'accord. Et en fait, sur les albums, il y a eu quelques, comment on appelle ça, quelques feats avec d'autres gens, ouais. Quelques chanteurs. Alors, est-ce que je vais les retrouver assez rapidement pour pas avoir perdre de temps de dire ce que je voulais dire. Voilà, par exemple, alors je vais avoir que les guests. Non, là, je l'ai pas. Ah oui. Non, par exemple, sur Perdition, il y a Diane Pielotteri de Penceslow qui est venue et Olivier Guinaud de Lodge. Et en fait, ils expliquaient que ce qui était intéressant pour eux, c'est de ramener des gens qui, justement, chantent bien. Là où, je vais pas dire que le chanteur de Fange chante mal, mais apporte son, oui, oui, oui. son cri un à lui. Un autre timbre, et ouais, voilà, parce qu'il a une voix bien spécifique aussi, qui est très bien pour son style, mais c'est vrai qu'il avait peut-être voulu aller chercher des chanteurs d'autres. Ouais, Jean-Baptiste, il s'appelle justement, et je voulais pas dire Jean-Baptiste ne chante pas bien, mais lui, comme il le dit, si on a fait venir ces gens-là, c'est parce que moi, je ne sais pas chanter, et en gros, c'est que son interprétation à lui, qui lui est propre et qui est propre à Fange, bah, un peut venir bien se marier avec d'autres chanteurs et d'autres clairement. Interprètes ouais. qui viennent amener quelque chose d'autre. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur Fange que en fait oui, alors si je peux revenir vite fait, quand en fait ils ont switché sur la boîte à rythme, c'était au moment de la composition, c'était pour Pudeur, et en fait ça devait être un batteur, et finalement ça a pas dû se faire, donc au début ils ont pas trop su où ils se mettaient les pieds, et en fait ça a changé un peu la manière d'écrire, même la batterie, tout a changé, et ce qui fait justement que là c'est un peu plus, ils ont un peu plus l'accent qui est mis de ce côté là en termes de composition pour aller avec leur style de musique, la lourdeur de leur musique, quoi. Elle est accentuée de par aussi la boîte à rythme. Okay, voilà. Okay, okay. Y a aussi un truc qui a changé, c'est que le chant, et là j'ai pas retrouvé depuis quel album, mais il est écrit en alexandrin. C'est écrit en alexandrin, ouais. C'est une manière en plus de. Sur lequel tu dis? Alors je vais essayer de retrouver. Donc, merci de me foutre dedans. Tiens, je vais te laisser là-dessus. En attendant, sache qu'ils ont fait une reprise de Bernard Lavilliers avec la haine. De Bernard Vignier, voilà. Il a écrit en alexandrin depuis Perdition, le troisième album, qu'il a commencé à écrire de cette manière. Et ils expliquent que c'est écrire avec des contraintes, ça les force à écrire différemment. Et ça fait des placements naturels pour le chant. D'accord. Il dit parce que comme je les place plus ou moins dans ma tête en sachant quel nombre de syllabes il va y avoir sur cette partie ou autre, en fait, avoir des alexandrins, ça me permet de savoir comment ça va se découper le chant. À l'avenir, je compte garder les rimes et pas forcément les alexandrins parce que je sens quand même les limites du truc. Ça peut surcharger les éléments, parfois créer des répétitions. Voilà. D'accord. Donc, okay, tu vois, par contre, ce que je comprends pas du coup par rapport à ce que j'ai lu. Ah non, tout à l'heure, j'ai dit de la merde. Ah oui, j'ai complètement dit de la merde. C'est pas du tout Jean-Baptiste qui chante, c'est Mathias. D'accord. Mais d'où je tenais Jean-Baptiste? Ah bah Jean-Baptiste. Retenez bien, hein, c'est pas Jean-Baptiste. Alors non, c'est parce qu'en fait Jean-Baptiste c'était au tout début quand ils étaient en trio. Ah, c'est pour d'accord. ça. J'ai, ah, okay. Voilà, c'est là où je me suis trompé. D'accord. C'est Mathias qui chante maintenant. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Excusez-moi, je me suis trompé, je me suis repris. Ça peut. Je suis désolé. J'aurais dû faire. Donc voilà à peu près ce que je peux te dire sur Fange rapidement. Ouais. Hein. Mais en tout cas c'est un groupe qui essaye toujours un peu de faire évoluer sa musique dans le style qu'ils ont d'aller et dans leur thème toujours très particulier. Mais maintenant, toi, Fange, toi, dis-moi ce que t'en as pensé. Et après, moi, je te dirai ce que moi j'en ai pensé. Ouais, ok. Eh ben, donc découverte. Ouais. Grosse découverte dans tous les sens, dans le sens où on a déjà découvert. Enfin, moi, j'ai déjà découvert des groupes comme ça qui font dans la violence, dans le malsain, dans. Mais enfin, là, le thème, là, je les ai trouvés assez spéciaux dans chaque album. Ouais. Bon, en plus des pochettes qu'il faut aller voir. Hein, on va pas s'amuser à les décrire parce que insensible, s'abstenir. Ah, il y a des pochettes, attention. Et sache que dans la musique et aussi dans les pochettes, il y a toujours des éléments rattachés à la Bretagne parce qu'ils sont assez fiers d'être bretons. Ouais. Et donc ils tiennent à mettre ça en avant. Ils veulent vraiment aussi défendre ça. Ok, ok. Voilà. Ça donne une drôle image de la Bretagne. Non, non, écoute, moi, je pas la grisaille. Je te dis ce que j'ai vu. Du coup, tu penses que ça vient de ça, du mauvais temps, la pluie? Ouais, ils faisaient un peu des blagues là-dessus, en disant, ouais. Mais, ouais, donc, en fait, c'est vrai que, tu sais, avec du recul, je me dis, j'aurais dû, tu sais, écouter, mais pas, me spoiler les thèmes et tout, pour voir un petit peu, parce que c'est vrai que, du coup, j'ai toujours été, à regarder, donc je regardais les albums, je les ai pris dans l'ordre, bon, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait de chronologie à suivre ou quoi que ce soit, même l'évolution. Moi, j'ai eu l'impression que je parlais pas d'évolution, mais de thèmes choisis qui faisaient que. Toi, tirer là-dessus, toi, dire, ouais. Ouais, ouais, okay. J'étais un peu plus. Un peu comme des albums thématiques pour toi. Ouais, carrément, Purge, Pourri Soi, pouvoir, punir, pudeur. Pourrissoir. Bah ouais, à moins que ça soit... Si, si, c'est ça, non? Pourrissoir. Ouais, pourrissoir 2017. Ah ouais, pardon, autant pour moi, ça m'a surpris. Ouais. Le mot m'a surpris, excusez-moi, hein, les gars, j'étais surpris. Non, mais voilà, quoi. Donc, je restais vraiment dans... Tiens, on est dans un thème... voilà. Dans quoi je mets les pieds, quoi. Ouais. Et bah comme t'as dit hein, les ambiances quoi super lourdes, super malsaines, bien amenées dans le thème ou dans là où on veut t'emmener quoi. Mmh. Tu sens que ça va faire mal quelque part. Ah oui, tu vois. Oui. Et tu le ressens bien hein. Après bon il y a des titres où c'est plus difficile d'aller parce que c'est vrai que c'est des thèmes, franchement, faut avoir envie d'y aller quand même. Faut avoir la foi. Ah, je sais pas. Hein. Non, mais faut avoir la foi pour s'en sortir. Ce que je veux dire. Bah, ouais, faut. Oui, oui, bien sûr. Si t'as peur d'aller trop loin, et te dire, bah, là, dans quel bourbier je me suis foutu, là, c'est clair. Sortir. Là, c'est. Tu vois, j'ai passé la semaine médicamentée, parce que. Mais non, c'était assez spécial. C'était assez spécial. Franchement, c'était quand même très attirant dans l'ambiance. Moi, c'est ce que je me suis dit en fait. On a déjà dit, c'est des ambiances où quand tu y vas, tu te dis mais pourquoi j'y vais quoi. Et il y a un effet aimant quand même qui s'opère. Il est là, il lève le bâton et toi t'es là, tu tournes le dos, puis tu ramasses quoi. Et bah. D'album en album, c'est un peu ça quoi en fait. Tu sais qu'à chaque fois que t'y vas, tu ok, on y va. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas toujours été dans les meilleurs auspices pour bien les bien recevoir. Bien sûr. Parce que bah c'est oui. Vrai que, tu vois, c'est pour ça que. C'est vrai que par exemple, quand t'étais en train de lire le soir un petit Agatha Christie, bon, ça marchait pas trop. Non, pas trop, non. C'est clair. Mmh. C'est clair. Surtout que moi, je suis plus Bob l'éponge. Pas grave. Mais en tout cas, ouais, je suis vachement curieux d'aller voir sur scène ce que ça peut envoyer. Alors bah pour le coup là tu dis fin de matinée, midi. Ouais, oui, c'est vrai. C'est oui. Vrai que ça c'est vrai que là ça doit être un là, peu là tu vois, là je préférais voilà, petite pièce sombre, 200 personnes max, très intimiste et là on Et ben c'est un peu ce qu'on a vu au Lunatique, tu vois. Ah ouais. Je suis pas sûr du nombre de personnes mais c'était un peu effectivement, c'était une salle un peu fermée et tout. Je pense que ça aiderait vraiment à se mettre dans une bulle, quoi, vraiment. Ouais, écoute, pour t'aider à se décider, moi, je peux te donner un peu mon ressenti de ce concert. De mémoire, si je me trompe pas de ce que j'avais dit à l'époque, je voyais quelque chose de bien en live. J'ai vraiment pris, j'ai pris, attention, une claque de côté de la proposition. Ouais. Ne connaissant pas assez Frange. Parce que j'ai l'impression que j'ai mis un R en trop. Ouais, ouais, j'ai vraiment pris dans la gueule l'ensemble musical, le côté chant hurlé vraiment asséné comme des coups quoi. Vraiment, ouais. Il te tape avec sa manière d'interpréter quoi. Mais malgré que je trouvais ça hyper intéressant, alors déjà le côté comment ça s'appelle boîte à rythme m'a un peu perdu. Ah oui. Parce que je me disais ah j'ai l'impression qu'il manque un truc. Je ne savais pas que c'était leur configuration actuelle donc j'étais un peu en mode ah j'étais surpris de ce côté-là. Donc ça moi ça tu sais c'est le genre de détail où je m'arrête et je peux rester bloqué parce que je suis débile. Et après en fait je me suis rendu compte qu'une bonne partie du concert même si je voyais le truc, je suis malheureusement resté en dehors en fait. Ouais. Donc j'étais devant un spectacle que je trouvais intéressant et bien mais j'ai pas pu rentrer dans le délire. Ah bah oui, non, mais dans après, ce truc-là. Mais alors je pense que et je crois que c'est ce que je dis, je crois que je n'étais pas assez préparé pour y aller moi. Ah oui, tu t'avais pas pas assez non. Ouais. J'avais écouté peut-être un peu. Ça aurait pas forcément. Bah moi pour moi je pense que si pour je suis moins dans le toi et ta secte de gens qui fermaient les yeux. Mmh. Vous arrivez à vous l'ouvrir les chakras très rapidement et que moi j'ai sauf que là on est d'accord, on ferme pas trop les yeux. Non, on ferme pas trop les yeux mais t'as un truc où peut-être t'arrives plus facilement à rentrer dedans et que moi je suis peut-être toujours comme un con à regarder le moindre détail, un truc à droite à gauche. Et comme je m'attendais déjà pas à ce que ce soit une boîte à rythme, et je ne dis pas que ça nuit au groupe, je dis que je m'y attendais pas. Mmh. C'est un truc où voilà, je veux dire, j'adore Salo, ils ont aussi une boîte à rythme, de batteur. Oui. Et j'adore, je trouve ça génial. Donc c'est pas un problème pour moi, c'est juste que là, ça m'a, sur le coup, je me souviens que ça m'a fait un effet en mode. Ouais, tu savais pas en plus, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il était remplacé. Ouais, en fait, j'étais dans une espèce de truc un peu réflexion. Comme ça. Et du coup, je voyais le punch-out qu'on essayait de me mettre dans la face en permanence. Mmh. Et pourtant, je suis resté à côté. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est la faute du groupe, j'ai pas envie de dire que c'est la faute de la musique, donc je remets plus le fait de dire. Mmh. Peut-être que je n'étais pas assez préparé sur ce moment-là où j'étais dans un autre truc. Donc, c'était un super concert. Je pense que si tu demandes à Bob et Parsi, ils vont te dire, c'était la claque de ouf. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je suis un peu resté. Après, c'est vrai que d'un autre côté, moi personnellement, pour moi, je me dis, j'aurais bien aimé être justement dans la surprise, quoi. Ouais, bah ouais, je pense. T'arrives, tu fais waouh, c'est et là, tu te fais asséner, quoi. Ouais, mais je me souviens quand on avait vu notre premier concert de Doom, oui. Et à quel point ça t'avait marqué. Ouais, et que moi j'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas été touché comme toi. Toi, tu me dis, ouais, j'ai passé la nuit après à écouter. Voilà. Ouais, tu vois, j'aurais jamais retrouvé le nom. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est parce que t'es peut-être plus dans une forme émotionnelle parfois quand toi ça t'arrive. Peut-être... Oui, et puis il y a aussi, voilà, le comment dire, l'euphorie. Peut-être un peu aussi, la découverte. Waouh, c'est quoi ce délire? Le Doom, je savais même pas que ça existait. Enfin, vraiment, c'est waouh. Donc maintenant, là, sauf si tu veux rajouter d'autres trucs, mais Fange, en Valais, en plein jour. Déjà, est-ce que c'était une bonne découverte musicale? C'était une très bonne découverte. Ah ouais, ça fait plaisir. Très curieuse. Non, vraiment, bonne découverte. Après, c'est vrai que... Maintenant, allez les voir. Allez les voir. Moi, franchement, je voudrais quand même... Ah, tu sais, je pense pas que je vais me dire « Ah, j'ai été déçu, non, c'est sûr que la configuration, elle serait peut-être pas optimale, tu vois, c'est vrai que... Mais bon, j'ai quand même envie de me dire ok, c'est ça que je, si je dois être amené à les revoir, c'est ça que je vais aller voir, mais dans une configuration qui va être mieux. Donc voilà. Je sais que ça peut être que mieux. Donc moi je laisserai une chance quand même. Donc là t'es quand même sur une base, ce groupe je veux le voir en live. Ah ouais, non, c'est clair. C'est juste après que... c'est vrai qu'il y a une configuration qui me plairait plus, ça, c'est sûr. Mais en attendant non. Ouais, je leur laisse une chance, il y a pas de problème. Bon bah écoute. Ouais, carrément. On fait ça, on se retrouvera là-bas parce que même si je suis resté un peu en dehors, moi je suis toujours prêt à retourner les voir, à refaire surtout l'expérience. Que t'es au courant, ouais, voilà, non. Et puis, à moins que pour les. Il y a un batteur, je fais, oh les bâtards. Ça, ils font chier, les gars. Bon, écoute, Tonai, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Découverte. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Tu vois, parce que là, j'étais en mode, allez, je vais l'emmener sur un autre terrain. Ça, c'est cool. Bah, on se retrouve rapidement pour une autre petite capsule. Eh ben, ok, on fait ça. Eh ben, ça me fait plaisir. Allez, à très bientôt. Allez, ciao. Or they try to come.